Yon de mou sali bol amou Yesu. J'aimerais chanter avec vous. Est-ce qu'on peut se lever et chanter cette chanson? Manerebosha. S'il vous plaît, on peut se lever et chanter cette chanson ensemble. Nayebi makomi nayo. Yango bila kanangai. Nakoumela pembeni nayo. Je vais inviter le pasteur Harry Papa Moulaja de venir chanter avec nous cette chanson. Allez. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? O salinga bola mwe. O salinga bola mwe. Vraiment bola mwe. O salinga bola mwe. Eza bola mwe. O salinga bola mwe. Vraiment bola mwe. Shalom, shalom. O salinga bola mwe. Eza bola mwe. O salinga bola mwe. Eza bola mwe. Yoka. Awa nazo yemba nazo kanisa. Nazo yemba nazo banga boye. Awa nazo yemba nazo banga e. Awa nazo yemba nazo kanisa. Yoka. Nazo banga facture ya pema na bomo ye yao. Nako futa ngona ndenge nini. Nazo banga fractura baksida nyoso epanyangai. Na 2018 batelinga yo. Nazo banga fractura ya pema na bomoi. Ya 2018 ebi melanga yo. Nazo banga fractura ya baksida na bamalajo bikisa. Eya nako futa ndenge nini. Yango avant fractura ngo eya. Nayembi nzembo. Osalinga bola mwe. Osalinga bola mwe. Bola mwe. Yango nayembi na nzembo. Osalinga bola mwe. Osalinga bola mwe. Bongo na beta mololo te pona lili. Osalinga bola mwe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ta roulette est tout ma tombe, mes racines et yoga qui mien la suit les loyaux. Et bon copé, manazo, pé, ma walélo. Na kimia, na lamuka kape na kimia. Babenga kango bola masambe. Ata mololo na zometa boye na pokwa lelo. Babenga kango bola masambe. Abate langa na batrain, na bataxi, na mataka lelo. Babenga kango bola masambe. Na bangungi ya kichasa obiki sanga na malaria o Yesuwe. Yango na koko pare yo na nanyo. Kaim na koko pare yo. Na koko pare yo na nanyo. Na koko pare yo na nani monsanjo lolao. Na papa te na mama te na yaya te na leko. Yeah. sorcier. Papa Henri P a remarqué. Bravo Salina. Alléluia. Vraiment voilà. Sera salé voilà mon pépaye. Le soleil qui s'est.